s'émerveille, mais jamais rien tu ne vois venir. Garde bien tous tes sens en éveil, car ces vautours sont prêts à t'écueillir. Les hommes politiques, c'est tous des faux culs, tous des faux culs. Ils t'embobinent au moment voulu, moment voulu. Pour t'arnaquer, ils sont prêts à tout, même à mentir, mais ça ce n'est pas nouveau. Les arracheurs de dents n'en sont pas jaloux, c'est vrai qu'entre eux, le mensonge a les beaux. Les hommes politiques, c'est tous des faux culs, tous des faux culs. Ils t'embobinent au moment voulu, moment voulu. Le soir, retrouver leur moitié. Jamais ils ne confessent la pipe du dîner. Qu'une secrétaire avide de promotion sociale leur taille assez salaud, car pour eux c'est normal. Les hommes politiques,